Pourquoi supprimer les passeports ? La fonction que remplissent aujourd'hui les passeports commença à se fixer sous l'Ancien Régime. Tout voyage nécessitait alors un laissez-passer, qu'on appelait aussi un sauf-conduit ou un passe-port en deux mots. Le voyageur qui en était dépourvu, surtout quand il appartenait aux classes populaires, pouvait être arrêté par la maréchaussée comme un vagabond ou un mendiant. Au XVIIIe siècle, les mesures prises jusque-là afin de fixer les populations et canaliser les déplacements devinrent insuffisantes pour endiguer une mobilité croissante. Celle-ci était la conséquence du progrès des moyens de transport, du développement des échanges économiques et de la diffusion d'une culture écrite qui alimentait le désir de mieux connaître le vaste monde. Pour tenter de maîtriser ce phénomène, les autorités inaugurèrent un processus d'encartement des individus qui n'a fait que s'intensifier jusqu'aujourd'hui. C'est à ce moment-là que le mot « carte » prit le sens que nous lui donnons quand nous parlons des cartes d'identité. Ce fut le début d'une révolution identitaire qui ne concerna, pendant longtemps, que certains groupes sociaux stigmatisés avant de s'étendre peu à peu à des populations beaucoup plus larges. Nous sommes tellement habitués aujourd'hui à subir ces pratiques administratives qu'elles ne suscitent plus de protestations collectives, sauf peut-être quand surgit une innovation comme le pass sanitaire pendant l'épidémie de la Covid-19. Pourtant, dès les débuts de la Révolution française, les passeports furent dénoncés comme un symbole de l'arbitraire politique et de l'absolutisme, illustrant la tyrannie de l'Ancien Régime. C'est ce qu'écrit le publiciste, terme qu'on utilisait alors pour désigner les journalistes, Jacques Peuchet, dans un article du Moniteur publié le 29 juillet 1791. Il est un désordre de police, d'autant plus odieux qu'il tient à tous les arts de la tyrannie et prive l'homme du premier, du plus juste de ses droits, celui de respirer l'air qui lui plaît, sans demander la permission d'un maître qui peut la lui refuser. C'est celui des passeports. Les passeports sont contraires à tous les principes de justice et de raison. Il n'y a que l'oubli des droits et l'inconséquence politique qui puissent les consacrer. Cette hostilité aboutit à la suppression des passeports, mais la fuite de Louis XVI à Varennes en juin 1791 incita les révolutionnaires à faire machine arrière. Non seulement l'obligation du passeport fut rétablie par le décret du 1er février 1792, mais finalement, la Révolution française accéléra le processus de rationalisation de l'identité des personnes commencé sous l'Ancien Régime. Les municipalités révolutionnaires remplacèrent les autorités religieuses dans la tenue de l'état civil. Le pouvoir central leur confia aussi l'établissement du registre des habitants, la délivrance des cartes de sûreté et des certificats de civisme. Les pouvoirs locaux furent aussi chargés d'établir les passeports délivrés aux prêtres contraints de s'exiler à l'étranger parce qu'ils avaient refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé.